Lisboa, Beja e Funchal 20, Santarém, Setúbal, Évora e Faro 21 graus. Antena 1. Horas no continente e na Madeira. Fin d'après-midi à tous et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques à chanter, à danser et à voyager. Aujourd'hui, ce sera plutôt le voyage qui sera à l'honneur puisque la semaine prochaine, c'est la Saint-Patrick, mardi prochain. Et donc, pour la prochaine émission, la Saint-Patrick sera déjà passée, donc je vous propose de la fêter aujourd'hui et puis pourquoi pas un petit peu plus la semaine prochaine. On a donc commencé avec Boys of the Love et c'était une suite de reels qui s'appelait The Untrimmed Rose. Tout de suite, poursuivons avec la formation Sligo, extrait de l'album Road to Karanuska. Voici un grand classique, ça s'appelle The Flower of Magherali. One pleasant summer's morning, as if flowers were blooming, oh, nature was adorning, and the small birds sweetly tuning, oh. I met my love near to Banbridge Town, my charming blue-eyed Sally. The county down, the flower of Maralio. With admiration I gaze along that fair. Voilà, j'ai l'impression que l'album est un petit peu fatigué et je suis pas sûre qu'on aille jusqu'à la fin du titre, c'est un petit peu dommage. On va poursuivre avec le titre suivant qui lui aussi est tout en douceur, un autre grand classique, The Cruel Sister, la sœur cruelle, dans la version de la formation Bohan. extrait d'un album qui a déjà 6 ans pour cet album de la formation Boan, que je ne suis pas sûre que la formation soit encore en activité, mais c'était une très jolie sonorité. Une formation que j'ai beaucoup écoutée à une époque, c'est pareil, pas sûr qu'ils soient non plus encore en activité, et ils étaient situés du côté de la Bretagne, c'est les Church Fitters. Voici un extrait d'un album déjà un petit peu ancien, où il y avait à l'époque pas mal de reprises de titres traditionnels. Extrait de l'album Deep Sky Blue, voici House Carpenter. Well met, my own true love. Well met, cried he. I've just returned from the salt, salty sea, and it's all for my love of thee. Well, I could have married the king's daughter dear, and I'm sure she'd have married me. But I refused her crown of gold, and it's all for my love of thee. If you could have married the king's daughter dear, I'm sure you are to blame. For I am married to a house carpenter, and I think he's a right fine man. Will you forsake your house carpenter and go along with me? I'll take you where the grass grows green on the banks of the salt, salty sea. If I forsake my house carpenter and go along with me, what have you got to maintain me on and to keep me from poverty? Six ships all out on the sea, 7 more are on dry land. 110 of the bold sailor men will be at your command. She's picked up her sweet little babes and kisses gave them free. Stay right here with your papa, my dears, and keep in good company. And then she's dressed herself in rich attire, so glorious to behold. And as she walked on down the road, well, she shone like the glittering gold. Could not have been free. And this young lady began to weep, and she wept most bitterly. My love, why are you weeping so? Is it for your golden store? Or do you weep for your house carpenter that you never will see no more? I do not weep for my house carpenter, nor for my golden store. But I do weep for my own pretty babes that I never will see no more. They were not out for about 3 weeks, I'm sure it could not have been 4, when the ship sprang a leak and it began to sink, and it sank to rise no more. Once around and spun our gallant ship, and twice around spun she. 3 times around spun this gallant ship, it sank to the bottom of the sea. What hills, my love? What hills are those? Those are the hills of heaven, my love, where you and I cannot go. What hills, my love? What hills are those? Those are the hills of hell, my love, where you and I must go. Voilà, c'était la formation Church Fitters. Jusqu'à l'année dernière, il y avait des dates. Alors, pas de date encore pour 2026, mais si jamais c'est le cas, eh bien, on en parlera dans l'émission. On poursuit avec un autre grand classique, Wild Mountain Time. Voici la version d'Ella Roberts. soyez pas étonnés aujourd'hui si l'ambiance est très celtique, voire irlandaise. C'est la Saint-Patrick mardi prochain, le 17 mars. Et à cette occasion, eh bien, la programmation est consacrée à ces musiques celtiques, à la fois douces et énergiques. La formation Dirty Linen, c'est une formation qu'on a eu le plaisir d'entendre assez souvent sur la région orléanaise, puisqu'il y avait un des membres, Denis Lafont, qui est sur notre région. On le retrouve maintenant avec la formation Last Order. Il y a également, il y avait également une violoniste, Céline Rivaud. Si vous allez voir un petit peu les vidéos du Celtic Social Club, les dernières vidéos qu'ils ont tournées, eh bien, Céline, c'est la seule fille du groupe au milieu de pas mal de garçons. Et puis, je vous propose de retrouver extrait de cet album Avakatu de Dirty Linen, et bien le titre générique de cet album. Avakatu, my hair machine, avakin on the vocal heel. Avakatu, my hair machine, say that she's a boy. Near Boger, Baker, a Gafashin, a Gafashin, a Gafashin. Near Boger, Baker, a Gafashin, a Hatta, her Nakloka. A dollar skill, the hair machine, the hair machine, the hair machine. A dollar skill, the hair machine, the only invader for her. Er gom ta malin gaud, ta malin gaud, ta malin gaud. Er gom ta malin gaud, sta lawn si nawn ysdocha. un album qu'on avait pu découvrir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à l'époque de sa sortie, mais ça remonte déjà à 2003. Voilà, donc ça fait déjà quelques années. Et bien entendu, la partie vocale, c'était Michael McDonald qu'on a ensuite pu écouter en trio avec ses deux fils, avec le trio McDonald. On poursuit avec un trio aussi, un trio de chanteuses écossaises, je crois. Il s'appelle Sian, et comme le titre est en gaélique, eh bien, vous l'écoutez tout simplement. Ça sonne bien, ce groupe de chanteuses écossaises. On poursuit avec un quartet qui, lui, est français. Il s'appelle les Poppy Seeds. Et si vous vous souvenez du début de l'émission, il y avait une suite de reels qui s'appelait The Antrim Rose. Et bien voici Antrim Rose, mais cette fois-ci interprétée par les Poppy Seeds. Thank you. Voilà, j'espère que vous passez un agréable moment à l'écoute de ces musiques celtiques, irlandaises, écossaises parfois, à l'occasion de la Saint-Patrick. Vous êtes toujours sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. C'est toujours l'émission traditionnelle. La formation Poppy Seeds qu'on vient d'entendre n'a pas de date en ce moment à nous proposer. Par contre, la formation Moher, qui est également une formation de musique irlandaise bretonne, nous propose quelques dates. Pour la Saint-Patrick, ils seront à Rennes. La semaine suivante, ils seront à Saint-Brieuc. Voici extrait de leur tout dernier album, le titre « Le Ril du Cheval Blanc », la formation Moher. Thank you. Voilà pour une formation bretonne. La prochaine formation est toulousaine, toujours dans le domaine de la musique irlandaise. Il y a quelques années, c'était les Incontournables. On les entendait partout, partout, partout. Puis maintenant, bah, ça s'est un petit peu calmé depuis leur dernier album. Voici un extrait d'un album, d'un des premiers que cette formation Doolin avait sorti. L'album, c'est Angels Are Free. Et voici le titre « When We Will Be Married ». Same bed. Oh, when we will be married, Molly, when we will be wed, when we will be better in the same bed. Oh, you have your eye on Jimmy, long Jimmy Lee. You have your eye on Jimmy and the fine man here. You have your eye on Jimmy, but you better let him be. 'Cause when you go, I'm all your, you'll be gone with me. Now, when we will be married, Molly, when we will be wed, when we will be better in the same bed. You have your eye on Johnny, but you better let him be. 'Cause when you go, I'm all yours. I'll be coming in. When we will be married, Molly, when we will be wed, when we will be bedded in the same bed. Oh, when we will be married, Molly, when we will be wed, when we will be bedded in the same bed. Traditionnel sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Dans quelques petites minutes, on approchera déjà de la fin de l'émission et on retrouvera quelques idées de sortie. Pour l'instant, je vous propose de retrouver Joanne McIver, une Écossaise qui s'est installée en France. La voici en trio avec un titre très long et en gaélique. Donc, ce sera à écouter tout de suite. You know that I'm only using. He could know. Magnifique voix irlandaise ou écossaise, et là également, qui a été pendant longtemps une référence. C'est Karen Matheson. J'avais eu le plaisir de la rencontrer à l'époque de la sortie de cet album At the Heart of It All. Et c'est la formation Capper Kylie, à nouveau un titre très très long et en gaélique. Nach chilen de sche o o hori hiliu elentein nach chilen de sche elen elen wichtig gelen mark ich nan jer schenge schudach elentein nach chilen de sche o o hori hiliu elentein nach chilen de sche Chilling the show, oh, holy you are, and nach Chilen der Schau. Strom nach Rami, Sanda Joste, dann an Dorne, Wiegen, Dune, Erdbein, nach Chilen der Schau. Macomb Band avec ce titre Embrace the Sky. Et tout de suite, quelques idées de sortie accompagnées par la formation Talisque. Pas d'idée de sortie en région, en tout cas tout proche d'Orléans, avant ce dimanche 15 mars. Ce sera du côté de Marcillan-Villette avec un bal de 15h à 18h. Attention, c'est à la petite salle des fêtes, route d'Orléans, avec les Manque-Pas-d'Air et Guerluchon. On parlait de musique irlandaise, et bien une session irlandaise en voilà une à Orléans le mardi 17 mars, jour de la Saint-Patrick. Ce sera au Dropkick à 19h30 et c'est place du Châtelet. Une soirée musicale irlandaise également le vendredi 20 mars à Vierzon avec Last Order. Samedi 21 à Chanteau, un petit bal pour les enfants et un petit bal pour les plus grands avec le premier à 16h30 et le deuxième à 21h. C'est à Chanteau et c'est avec la formation Au Gré des Vents. Samedi 21 également à Saint-Privé, Saint-Mémin, concert à 19h30 à l'apéro avec Blonde ou Rousse en trio. Et allez, une dernière session irlandaise le jeudi 26 à Orléans à 19h à la Chouquette Masquée rue de Bourgogne. Voilà, un morceau que j'adore pour accompagner cette page sortie. Et pour terminer, on va terminer tout en douceur avec Sinéad O'Connor et sa version du titre Skibbereen. Voici donc Sinéad O'Connor pour se quitter ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve, si tout va bien, mercredi prochain à la même heure. À très bientôt. Oh, Father dear, I oftentimes hear you talk of Erin's Isle, her lofty scenes and valleys green, her mountains rude and wild. They say it is a pretty place where might dwell. Oh, why did you abandon it? The reason to me tell. Oh, son, I love my native land with energy and pride, till a blight came. Crops, my sheep and cattle died. The rent and taxes were so high I could not then redeem. And that's the cruel reason why I left old Skibbereen. De 2 minutes, votre soirée se poursuit sur le 96.2 avec les programmes de RDP International. Nós, por exemplo, em Ferreira dos Êxeres já tínhamos cerca de 900 mil euros com os ministros. A mesma opinião expressa Jorge Vala, o presidente da Câmara de Porto Mós e o responsável da comunidade intermunicipal de Leiria. A questão é que os processos param na CCDR, veja. Nós temos uma percentagem muito elevada de candidaturas que são devolvidas pela CCDR, seja a pedir esclarecimentos, seja a pedir documentos que inicialmente não estavam previstos para serem anexados. Na Marinha Grande, um dos...